Section 37 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. La Lecture, tome 6e. Section 37. Un couple mal assorti. De Robert Lord Lytton. 1. Il y avait un couple qui ne pouvait pas s'accorder, bien que réuni par un destin qu'il était forcé de subir. Le nom de l'un était « lui » et l'autre, lui, l'appelait « eux ». 2. Ils étaient tous les deux différents par l'âge comme en tout. Lui, quoique le plus jeune, était pourtant très vieux. Eux, bien plus âgés, avaient la vue courte et l'oreille dure. S'il faut dire la vérité. 3. Lui s'était décidé, et quelques sages disent que c'est pour l'homme la meilleure étude, à s'étudier lui-même, sans faire grande attention à son compagnon de chaîne. Eux n'épargnaient aucune injure à son sauvage et diabolique associé. 4. Lui, disaient eux, est la plus grossière des brutes, un ours, comme le prouvent ses actions d'ours. Et cette opinion s'établit si solidement qu'un miracle seul pouvait la détruire. 5. Mais, étant tombé malade, et pendant sa longue convalescence, lui devint aussi apprivoisé qu'une brute pouvait l'être, et ses habitudes réfractaires se réformant entièrement, lui était doux et paisible comme un agneau. 6. Faisant tout ce que peut faire un agneau pour montrer les vertus qui le font aimer de l'homme, tandis que, peu enclin aux nouveautés d'opinion, criait toujours « C'est un ours, et ses actions le prouvent !» 7. Dur d'oreille et court de vue, il fallut ainsi à eux, est-ce 10 ans ou plus, pour découvrir que tout était enfin blanc comme l'agneau dans la noirceur si oursonnement noire auparavant. 8. La vérité du reste trouvera son chemin jusqu'à la cervelle la plus bornée si vous lui en donnez le temps. Et c'est ainsi qu'après s'être accordé ces 10 années, eux changea soudain son carillon grondeur. 9. Lui, finit-il par dire sans la moindre hésitation, est la plus douce des âmes. Nous lui avons fait tort, nous autres, et c'est du miel que nous avons pris pour du fiel. Pendant ce temps-là, lui, qui s'était aigri, 10. Soit parce qu'il avait essayé de plaire sans y réussir, soit par suite d'un vice originel, lui, infidèle une fois de plus, redevint par degrés l'ours insociable qu'il avait été autrefois. 11. Eux, pourtant, continuent à crier encore, « Lui est la plus douce des âmes, et ses actions le prouvent. Eux, le croient-ils, ou bien ment-ils ? Une chose est sûre, cela est ainsi, je le sais. » 12. Entre un homme et sa réputation, il y a un espace qu'il faut traverser, et quand la rumeur atteint sa destination, l'histoire qu'elle raconte n'est plus vraie. 13. Chaque rayon de l'étoile que vous admirez ce soir a mis bien longtemps à parvenir jusqu'à votre monde d'ici-bas, et vos éloges, peut-être, sont décernés à la lumière d'une étoile qui a péri il y a un siècle. Fin de la section 37.